À l'occasion de la journée du soleil, la cérémonie pour déposer une corbeille de fleurs devant le portrait souriant du président Kim Il-sung a eu lieu le 12 avril à l'Organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, en présence du secrétaire général et des membres de l'organisation, de l'ambassadeur coréen à Cuba et de ses collaborateurs. Les participants ont déposé la corbeille de fleurs et rendu leur hommage sublime.